Sha. Evoleta. Yemon. Casa. Kokolishel. Yemon. Pause bat fait qu'on go skater. Manka check combien mimi top model. Fom mada douce bat qu'on si wo miel. Tic tac. Bon so 12. Va en vieux skate up et pas check gros well. Mouka apparaître seulement les bégayes belles. Bouyan coup pour ça. Ça veut Jack Daniel. Yemon. Bon effet sou. Pas qui top pendant un café sou. Son ta la salle et un capomètre sou. Brûlé un spiff rest à cabrené kou. Fom mada bat bat. Wada bat bat. Réunion bat bat. Brika bang. Brika krika. Coco l'échelle. Pause bat fait qu'on go skater. Manka check combien mimi top model. Fom mada douce bat qu'on si wo miel. Tic tac. Bon so 12. Bon vieux skate up et pas check gros well. Mouka apparaître seulement les bégayes belles. Bouyan coup pour ça. Ça veut Jack Daniel. Coco l'échelle ça kaba main. Gal pas la peine carré ba main. Mignon Will Chou na bet show même. Jack Dada dans l'abdomen. Ou pe pa fe jwi si ou ni ti koko. Mignon ret son nom il échelle koko. Pa ni l'ode pa be Chanel koko. Jwi di la vie, fout sa bel poto. Koko l'échelle. Pause bat fe kon go skater. Manka check combien mimi top model. Fom mada douce bat kon si wo miel. Tic tac, bon so 12. Bon vieux skate up et pas check gros well. Mouka apparaître seulement les bégayes belles. Bouyan coup pour ça, ça veut Jack Daniel.